Le Fedora? Check. Le fouet? Check. Le blouson en cuir? Check. Allô, ici Mireille du KGB. Je voulais parler de Indiana Jones pour dire déjà que ça avait été un modèle de vie pour moi. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, que Indiana Jones, il sert pas à grand-chose en fait. Il fait pas du tout avancer l'histoire. Ou au contraire, il aide les nazis. Vous faites une émission sur Indiana Jones. Donc du coup, le soir, on a envie de regarder Indiana Jones. Vous savez ce que ça peut coûter à un couple? Ça? Vous avez du bol, moi je suis célibataire. Du coup, j'ai regardé Indiana Jones. Bonne émission. Bonjour Blockbuster. Petite blague rapide. Combien y a-t-il de thé dans Indiana Jones? 16. Bah oui. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Il y a 2-3 choses qui peuvent vraiment m'énerver dans la vie. Par exemple, les cheveux longs à retirer du siphon dans la baignoire. Toutes les phrases qui commencent par « Christophe Barbier, quel est votre avis sur ?» Et surtout, la phrase « Mais toi Frédéric, t'es pas vraiment noir !» Oh là là, que ça m'énerve. En général, cette phrase est prononcée par des gens très respectables qui, au détour d'une conversation sur les discriminations, un verre de vin rouge dans la main et un blinis au tarama dans l'autre, me demandent si j'ai déjà, en tant que métis, été confronté au racisme dans mon existence. Habituellement, je n'ai même pas le temps de répondre à la question que cette phrase fuse comme pour dire que j'ai de toute façon rien à dire sur le sujet. Un peu comme si on demandait à une femme si elle a déjà été victime d'harcèlement et qu'on l'interrompait pour lui dire « Oh, en même temps non, toi t'es pas vraiment belle !» Et pourtant, je suis métis. C'est pas un choix de vie, ni une source de fierté ou de honte, c'est un fait. Mon père était noir, a grandi à Mornalo en Guadeloupe et repose désormais là-bas dans le cimetière de la ville. Pourtant, c'est souvent des gens qui n'ont donc pas mon vécu qui se permettent de déterminer ce que je suis ou ne suis pas, sous prétexte qu'ils ont décidé arbitrairement que je n'étais pas assez noir pour eux. Donc moi, maintenant, je fais pareil. Quand quelqu'un s'apprête à donner son ressenti sur une situation comme le port du masque, la chloroquine ou les 35 heures, je l'interromps en lui disant « Oui, enfin toi, t'es pas vraiment une lumière. » France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Cassav existe depuis 79. C'est la musique qui fait un peu oublier ses petits problèmes, quoi. Chaque fois que les gens l'entendent, ils ont envie de se lever, de danser. Et en fait, c'est ce qui se passe jusqu'à présent, quoi. Kassav, c'est l'illustration même du groupe au triomphe modeste. Premier groupe français à remplir le Stade de France, à remplir des zéniths 8 soirs de suite, des fois sans promo. Premier groupe de musiciens noirs à chanter en URSS. Un groupe cité en référence par le génie Miles Davis. Un groupe qui peut inviter Stevie Wonder sur scène pour les accompagner à l'harmonica. Groupe qui peut se targuer d'avoir créé un genre musical à lui tout seul, le zouk. Kassav est un groupe français mondialement connu aux États-Unis, sur le continent africain, au Japon, ils ont joué partout. Pourtant, en métropole, on sous-estime encore l'apport culturel de ce groupe à la musique mondiale. Pour tenter de rendre à César ce qui est à César, j'ai avec moi Marie-Josée Ali, bonjour. Salut. Vous êtes chanteuse, autrice, compositrice, interprète et votre dernier album, Madame, est sorti en février dernier. Juste avant le Covid, voilà. Super. On va faire une petite piqûre de rappel. Vous êtes aussi journaliste et écrivaine et votre roman le plus récent s'intitule Une semaine et un jour et est paru en janvier dernier aux éditions Hervé Chopin. Exact. Avec nous également, Michel Lahana, dit La Gazelle. D'ailleurs, je vais vous appeler comme ça toute l'émission, La Gazelle. D'accord. Bonjour. 10 euros. Oui, bonjour. c'est pour ça, en fait, son droit d'auteur. Ouais, vous êtes la manager de Youssou N'Dour et vous avez bien connu Kassav car vous avez accompagné leur première tournée. Africaine, oui, oui. Et avec nous, quelqu'un qu'on ne présente plus, donc je ne vais pas le faire. Et Bertrand Dical, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de la chanson française et vous animez en ce moment la chronique « Ces chansons qui font l'été » sur France Info. Et vous êtes aussi auteur. On vous donne notamment l'ouvrage « Ni noir ni blanche, histoire des musiques créoles » paru aux éditions La Rue Musicale, Philharmonie de Paris. Et oui. ensemble. On va revenir sur la création du groupe, ce qu'il représente aujourd'hui pour la musique afro-caribéenne. Comment Kassav a su faire le pont entre la musique traditionnelle antillaise et la musique contemporaine, ce qui a fait son succès en dehors d'un circuit promotionnel habituel pour des musiciens métropolitains. Et on essaiera de comprendre la différence d'image dont jouit ce groupe à l'étranger et en métropole. Allez, comme dirait Admiralty, en créole, Kassav, c'est fort sa pays-là. Radical. Qu'est-ce que représente Kassav pour la musique antillaise ? Oula, c'est un peu comme demander ce que représente Bob Marley pour la musique jamaïcaine ou Antonio Carlos Jobim pour la musique brésilienne. Qu'est-ce que représente Bob Marley pour la musique Non mais sérieusement, Kassav, c'est à la fois un monument pour plusieurs raisons. D'abord, c'est des fondateurs, vous l'avez dit, hein, c'est les fondateurs du zouk. Ils inventent vraiment le zouk. C'est pas une musique qui leur tombe sous les doigts un peu par hasard. Il y a cette volonté de créer une musique syncrétique et ils le font. C'est ensuite un groupe qui a été et qui est toujours hégémonique pour les Antilles, avec des chiffres de vente mais totalement hallucinants. C'est-à-dire que si on compare les ventes de Kassav aux Antilles et de Francis Cabrel en France, Francis Cabrel, c'est un artiste underground. C'est-à-dire que quand... Non mais c'est bien de le dire. Oui, ils arrivent à des chiffres de vente avec des albums vendus à 200 000 exemplaires sur le marché antillais, ce qui, ramené à la population française, ferait 8 ou 10 millions d'exemplaires. Donc c'est vraiment un groupe hégémonique d'une puissance absolument colossale. Et c'est aussi un groupe extrêmement important partout dans le monde. C'est-à-dire que vous rencontrez aujourd'hui un jeune Angolais qui va vous dire qu'il commence à faire de la musique avec ses copains et qu'ils font du kuduro. Ce qu'ils appellent aujourd'hui kuduro en Angola, c'est pas du kuduro, c'est du zouk. C'est vraiment du zouk. Dans à peu près toute l'Afrique, l'océan Indien, une partie de l'Asie, une grande partie de l'Afrique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine, le zouk est une musique qui est à la disposition de tous les musiciens, comme le reggae, comme le son, comme le rock. C'est vraiment, ils ont réellement inventé quelque chose, outre qu'ils ont une popularité de star. C'est un peu Michael Jackson plus Jean-Sébastien Bach. Voilà, rien que ça. Mais je suis d'accord. La Gazelle, justement, ce rayonnement culturel de Kassav, comment vous l'avez perçu en les accompagnant sur le continent africain ? Pour moi, il y a eu la musique africaine avant 1982 et la musique africaine après 1982. C'est-à-dire que les plus belles années de la musique africaine, dans les avec les anciens, les premiers Salif Keita, Mori Kanté, Manu Dibango. Bon, et d'autres, Youssou en fait partie, bien sûr. Et puis, il y a eu Kassav, et il y a eu la nouvelle musique africaine, parce que tout le monde est venu leur piquer les cuivres, les riffs de cuivre, comme ça, les grosses sections de cuivre. Surtout la musique camerounaise et la musique ivoirienne. Mais enfin, il y a eu la nouvelle musique africaine après Kassav, voilà. Mais ça a été une révolution... Ça a été la révolution musicale. Marie-Josée Ali, comment avez-vous rencontré Kassav quand vous les avez découverts ? Est-ce que ça a été un choc immédiat ? Oui, ça a été un choc musical immédiat. D'abord, je connaissais Jocelyne parce qu'on a quasiment grandi ensemble, donc je savais un petit peu qu'elle faisait de la musique. J'étais très proche de Malavoie à l'époque, on préparait justement le carré, le fameux carré C'est moi qui a démarré, qui est parti après très loin. Et je me souviens, grand tube. Je me souviens d'avoir dit à Polo Rosine, et j'écoute un titre comme ça, mais par hasard, je lui dis ce qu'on me ramène Soleil, et je dis Polo, écoute ça. Polo, c'était le compositeur et l'arrangeur du groupe Malavoie, très violon, très... enfin, c'est une musique qu'on retrouve un peu dans toutes... C'est une musique de plantation, en fait, voilà. Et je lui dis, écoute ça, c'est pas possible. Il se passe quelque chose dans la musique antillaise. Et Polo, qui est très, très... qui a une oreille musicale, les arrangements de cuivre, tout était tellement léché. Et on s'est assis, il y avait tout le groupe Malavoie, et moi, et puis quelques amis, on a écouté religieusement Soleil parce qu'on a vraiment eu l'impression qu'il se passait quelque chose dans la musique antillaise. Oui, on est en train de l'entendre en ce moment. Et alors, il ne faut pas négliger que la création de ce groupe a eu lieu aux Antilles. Et à une époque, où, et même encore aujourd'hui, il est difficile de concevoir, de vivre du métier de chanteur. Et donc, il y a eu aussi cet aspect laboratoire expérimental au début dans la création de Cassave, Bertrand Dical. Oui, alors Cassave, c'est vraiment une idée de musicien frustré professionnellement. J'aimerais bien être frustré comme ça. Parce que oui, mais quand même, il a raison parce que c'est un concept, le zouk. Hein. C'est vraiment un concept. Des gens qui se sont assis là et puis ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a de traditionnel? Et comment on fait? Parce que Jacob, il vient du rock et du R&B. Jacob Desjarieux. Donc, c'était la rencontre entre ces deux. C'est extrêmement important de comprendre que c'est un concept. C'est pas une musique qui est sortie des pieds, qui est montée par le ventre. Après, c'est rentré dans nos racines. Excuse-moi, je t'ai interrompu comme d'habitude. Problème, mais c'est une musique qui naît parce que, jusqu'à présent aux Antilles, il y a grosso modo trois types de musique. Il y a une musique bligidi, une musique du peuple, une musique des bals, une musique qui est faite à la va comme je te pousse pour faire danser les gens et des gens qui dansent sans trop écouter la musique. Et puis il y a une musique un peu savante, un peu du, on fait du jazz, on essaie de faire de jazz antillais, un peu savant, c'est une musique qui se pousse un peu du col, une musique un peu intello, comme on dit. Et puis il y a la musique de plantation, comme disait Marie-Jo, qui est la musique du bal grand moon, qui est la biguine, qui est la mazurka, qui sont des musiques un peu plus traditionnelles. Et l'idée de Cassave, Jacob Desjarieux, qui est un Guadeloupéen, mais qui a vécu à Marseille et au Sénégal à peu près toute sa vie, c'est un Guadeloupéen qui a pour particularité à l'époque de ne pas parler créole, et deux bassistes guadeloupéens qui sont l'un et l'autre dans des groupes dans des groupes guadeloupéens, qui sont les frères Décimus, Georges et Pierre-Édouard Décimus, et ils se disent, on va créer une musique qui rassemble tout et qui rassemble toutes les musiques antillaises, mais en même temps, en même temps, ils vont mettre du funk, en même temps, ils vont mettre de la salsa pour les cuivres, ils vont mettre du funk pour le gros rythme que ça a, ils vont mettre du rock parce que Jacob est un guitariste qui est fou de à la fois de Toto et de Jimi Hendrix, et puis ils vont mettre de la grande variété française parce qu'ils aiment ça, donc des voix en avant. Ils vont mettre toutes les musiques qu'ils aiment, et pour ça, ils vont prendre une musique qui est la plus bigidi, la plus boloco de toutes les musiques, qui est la musique la plus plouc qu'on puisse imaginer, qui est la musique du carnaval de Pointe-à-Pitre et un rythme du carnaval de Pointe-à-Pitre qui s'appelle le Massa Saint-Jean et qui est un rythme que les gens battent en tapant sur des tambours faits avec des boîtes de conserve, et ce rythme-là, c'est le rythme du zouk. Et à partir de ça, vont inventer cette musique. Alors c'est vachement bien de dire que Cassave c'est génial, mais le mieux c'est encore de les écouter, et c'est le moment d'aller chercher votre compagnon ou votre compagne. Si vous êtes célibataire, bah demandez gentiment à un voisin ou à une voisine. Allez, c'est l'heure du zouk. C'est Scie et Bois de Cassave. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'était Scie et Bois de Cassave dans Blockbuster sur France Inter. Si nous t'es prends temps pour nous te parler, Non, c'est pas mon numéro de téléphone, c'est le répondeur de l'émission où vous pouvez prouver que Blockbuster a bien les auditeurs les plus barrés de la bande FM. Nous sommes toujours avec la chanteuse Marie-Josée Ali, la manager La Gazelle, et le journaliste Bertrand Dical pour parler de Cassave. Bertrand Dical, vous me disiez pendant la chanson donc Scie et Bois de Cassave que c'était la première chanson de Cassave qui apparaissait sur un album de Cassave, parce que en fait cette formation... C'est le premier énorme, gigantesque tube qui aujourd'hui dans les best-of en 12 chansons qui soit sur un album de Cassave, parce qu'une des particularités de Cassave c'est que c'est une coopérative, c'est-à-dire qu'il y a les disques du groupe sur lesquels travaille tout le monde et puis il y a les disques de chacun des artistes sur lesquels travaille tout le monde. Donc Zoukla c'est ses médicaments Nouni par exemple, c'est sur un album de Jacob Desvarieux et Georges Décimus. Les tubes Siwo Milan de Jocelyne Méroir sont sur des albums à elle. Collet Serré qu'on entend était sur un album solo de Jocelyne Béroir, Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi, Jean-Claude Nemraud ont leurs albums solo, et même des musiciens, hein, les percussionnistes, les claviers de Cassave ont tous fait des albums solo. Je crois que c'est à peu près 80 albums au total, la galaxie Cassave, une petite vingtaine d'albums de Cassave, je crois qu'il y en a 18 ou 19, outre les lives, mais c'est une production absolument gigantesque. Il y a des années, dans les années 80-90, où il y a 6 ou 7 albums de Cassave par année. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut résumer qui est Cassave, ou en fait c'est vraiment cet aéropage, ce collectif qui fonctionne, où on peut pas en prendre un, où tout s'écroule? C'est un peu ça. C'est un collectif avec des personnalités qui sont devant. C'est un collectif avec des chanteurs qui sont devant. En fait, les chanteurs sont devant, c'est-à-dire Jacob, Jocelyne, Martelly, Jean-Philippe et Patrick Saint-Éloi. Et voilà, c'était eux qui ont été mis devant parce que à l'époque où effectivement les premiers disques de Cassave sont sortis, il fallait qu'il y ait des têtes d'affiche. Donc un groupe comme ça, c'était, ils sont combien sur scène, mais et puis les musiciens ont changé, ils sont très très très nombreux. Oui, Jocelyne Béroir a commencé dans les chœurs d'ailleurs. Elle a commencé dans les chœurs, mais Soleil au départ, elle était dans les chœurs du premier Soleil, le premier Soleil, et puis elle faisait juste une voix, et j'étais d'autant plus étonnée de l'entendre quand j'ai entendu ce disque que, bon, pour moi, elle chantait beaucoup de jazz dans les halles, dans les boîtes, les halles, elle commençait tout juste, et c'était pas du tout, son chemin n'était pas celui-là. En tout cas, c'est vrai que c'est une énorme famille, c'est-à-dire qu'on rentre dans Cassave, on devient Cassave. Moi, je connais plein de musiciens qui sont rentrés dans Cassave, mais on rentre dans Cassave comme on rentre, j'irais presque comme on rentre en religion, c'est-à-dire qu'on est catalogué, en fait, on est Cassave, on tourne, on est sur des scènes énormes, c'est vraiment une école, et je sais que plein de musiciens rêvent de rentrer dans cette famille, parce que c'est vraiment une famille. Et comment... On va pas dire les noms, mais il y a quelques chanteurs du début, quelques-uns des vocalistes sur les premiers albums de Cassave qui ne sont pas restés. Parce que précisément, ils n'arrivaient pas à assumer cette vie. Oui. Ils n'arrivaient pas à assurer ces tournées interminables. Il faut arriver à s'entendre. C'est pas évident. Des groupes qui tiennent le coup, qui tiennent la route si longtemps. Et en plus avec plein de personnalités très fortes, des styles très différents, musiques différentes, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous regardez ce que peut composer Jacob, ce que propose Jean-Claude, ce que propose chacun, arrive avec un univers musical, la base de tout ça. Moi, ce que je dis toujours, qu'on retrouve toujours dans la musique de Cassave et qui maintenant commence à s'aimer dans toutes les musiques, y compris les musiques occidentales, c'est... Oui. Ça, c'est la base. Oui. C'est la base. Et c'est avec ça qu'on peut jouer sur plein de choses et c'est ça qui fait qu'il y a une espèce d'énergie de cette musique qu'on retrouve sur scène. Mais c'est un délire, les concerts de Kassab. C'est un délire. Oui, c'est de la folie. J'ai rarement vécu ça. C'est de la folie, les gens debout. Et 40 ans plus tard encore. Et quel que soit le pays du monde. Enfin bon, je pense que la Gazelle peut en parler de partout. Cette espèce de folie africaine. Cette manière, comment la métropole a accueilli les titres de Kassav parce qu'en fait, je me suis même demandé, en préparant cette émission, comment les maisons de disques avaient accueilli ça. Est-ce qu'elles avaient joué le jeu ou non? On sait qu'il y a toujours un problème par rapport à ce qu'on résume facilement comme musique du monde. Donc comment est arrivé Kassav sur la bande FM métropolitaine? Quand Kassav est rentré en maison de disques, Quand Kassav est rentré en maison de disques, ils avaient déjà 2 ou 3 disques d'or. Et s'ils ont signé avec Sony, l'album Vinnie Pooh sur lequel il y avait Scie et Bois qu'on a entendu tout à l'heure, s'ils ont signé avec Sony avec cette major là, c'est parce que c'est la seule major qui leur a dit on va faire ce que vous voulez. Les autres leur disaient, bah oui, mais il faudrait que vous chantiez en français, et puis on va vous donner des producteurs, on va vous donner, leur a dit des choses, mais absolument incroyables. Je crois que ça tient à des personnes qui sont dans ces maisons de disques. À une époque, Sony, c'était Christophe Karcher. Sans Christophe Karcher, Kassav n'aurait pas passé la porte de... Il y a Philippe Constantin, c'était chez Barclay. Sans lui, j'aurais pas passé la porte de Barclay. C'est des hommes qui ont une vraie passion musique et une culture musicale et une envie de musique, un désir de musique. Et qui laissent libres les gens. Ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup... Alors bon, je vais me faire... Pas mal d'ennemis, mais je m'en fous. J'en ai déjà suffisamment. Donc je les compte pas. Mes amis, serrez-moi fort dans vos bras. Non, mais là, dans les maisons de disques aujourd'hui, il y a plein de gens qui connaissent rien à la musique, qui sont des opportunistes de l'histoire. Ils connaissent pas, ils ont pas de culture musicale, ils savent pas écouter, ils n'écoutent pas, on écoute 10 secondes et on regarde combien de vues on a fait. Voilà comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai qu'à une époque, il y avait des gens comme Philippe Conrad, comme Rémi Kolpakopoul, qui étaient d'ailleurs des journalistes à Libé, qui étaient des fans de ces musiques dites du monde, même si on n'aime pas le terme, mais qui la connaissaient et qui l'appréciaient. Contrairement aux maisons de disques qui signaient juste des phénomènes. Voilà. Et c'est vrai que tout le monde est passé, en tout cas en France, je parle de l'Hexagone, est passé à côté du phénomène Kassav. Je n'ai jamais vu un groupe qui remplit le Stade de France, qui fait des zéniths, qui fait autant de... L'Arena, qui est si peu invité dans des émissions de télé. Si peu invités dans les... Une fois Drucker. Ouais. Et d'ailleurs, quand ils ont fait Drucker, c'était assez amusant. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire du mal de Julien Clerc et Philippe Laville, voilà, c'est fait. C'était une émission spéciale Outre-mer avec Drucker. Donc, il y avait Philippe Laville qui, il est vrai, est martiniquais. Julien Clerc, qui est un petit peu moins guadeloupéen que ça, il est région parisienne. À qui Michel Drucker posait plein de questions sur les Antilles. Au bout d'1 heure d'émission, il y a Michel Drucker qui pose une question à Jocelyne Béroir en lui demandant si le bois bandé, ça marche vraiment. Donc on est à la fois dans les médias. Alors une interview d'Ardisson, on est vraiment, et très souvent même chez les gens qui se disent les plus attirés par les musiques du monde et qui refuseraient absolument qu'on imagine qu'ils puissent être racistes. Mais s'il y a du racisme systémique en France, il est là aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision de minorisation absolue de ces musiques-là. Alors, ça marche un peu mieux quand c'est en anglais, quand c'est Bob Marley. Ça marche un peu mieux quand il y a des très jolies filles qui se dandinent avec des jupes courtes. Et dans Kassav, il n'y a pas de jolies filles qui se dandinent en jupes courtes. Et c'est vrai que l'idée que cette musique soit une musique aussi puissante dans le tiers-monde, aussi créative, aussi difficile à comprendre pour des musiciens ou des directeurs artistiques ou des programmateurs en France, et que par ailleurs, ce soit des Noirs, majoritairement des Noirs, venant en plus de France, des Noirs de nationalité française. Moi, je crois que c'est ça le problème. Parce que s'ils avaient été Noirs et qu'ils venaient des États-Unis, ça aurait pas. Au contraire, il y a le. Il passe de Noir à Black. Mais on passe, voilà. Et là, des Noirs qui viennent de France, mais bon, d'abord, on cherche pas à savoir. qui sait ce que la Martinique. Mais ils n'ont jamais cherché à savoir de quoi ils parlaient. Pour eux, c'était de la biguine améliorée, alors que les textes de Cassav. En plus, les textes très profonds. Voilà, sont profonds. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit des choses tristes, des choses terribles, avec en invitant les gens à bouger le bas du dos. C'est ça, Cassav. Mmh. Et même les festivals, qui sont quand même des espaces ouverts sur toutes les musiques du monde. Même les festivals en France ont rarement invité Cassav. Mais rarement. C'était Zoukla Sessel, Médicament Nouni de Cassav. Et Marie-Josée Ali, vous me disiez pendant la chanson que même si la forme de cette chanson était extrêmement gaie, qu'elle donnait à tout le monde l'envie de zouker, les paroles, elles, parlaient d'une réalité très, très, beaucoup plus tragique. Bah, c'est un peu ça, Cassav, hein, dans pratiquement tous les titres, c'est très festif comme ça, d'allure. D'ailleurs, la musique est festive, elle donne envie de se bouger, comme je dis, bouger le bas du dos et tout. Et puis quand on écoute les paroles, quand on comprend le créole, y a plein de messages qui passent. Zoukla, c'est ça le médicament de Nice. Ça veut pas juste dire, ah ouais, on est tous là pour danser parce qu'on est des bons danseurs, nous les Antillais, nous les Loirs et tout ça. C'est pas ça du tout. C'est Jacob qui pose une question. Il dit, mais comment tu fais, toi qui es tellement malheureux, toi qui as pas de quoi bouffer, t'as qu'à pas de, comment tu fais pour, ben, écoute, je danse. Mais c'est, J'essaie de supporter tout ça. Oui, via mais c'est la musique au troisième degré. Parce que il y a cet humour qui est toujours là. Cet humour et puis en même temps, ce côté de dédramatiser, mais sans perdre son âme, c'est-à-dire en disant les choses quand même. Dans tous les titres de Kassav, on retrouve à peu près ça. Alors, on a parlé un petit peu de l'ostracisme dont ont pu faire preuve certains médias vis-à-vis des Antilles, mais c'est vrai qu'on le voit avec beaucoup de musique. Pas certains, tous. Voilà, oui, tous. On le voit avec beaucoup d'artistes francophones venant du continent africain. La Gazelle, est-ce que vous, tout au long de votre carrière, encore aujourd'hui, vous avez pu constater ces murs invisibles dont on vous parle pas, mais qui sont quand même bien là? Si, tout au long de la carrière de Youssou en ce qui me concerne, mais s'il n'y avait pas eu Seven Seconds, écoutez, franchement, sans jeter de fleurs, je crois que France Inter, ce sont les seuls qui se sont, à part RFI bien sûr, qui est spécialisé en musique africaine, mais France Inter a été la seule radio à demander un partenariat sur un album de Youssou N'Dour. Mais sinon, tout ça c'est Seven Seconds, hein. S'il n'y avait pas eu Seven Seconds, je pense que c'est bon, comme Kassav, Youssou continue de toute façon de remplir des salles et des stades partout, mais ne passe pas en radio et très peu en télé. Mais alors justement ça, parce qu'on parle souvent de viralité via Internet, mais là on parle quand même de groupes qui se sont fait connaître mondialement avant l'émergence des réseaux sociaux. Bien sûr. Et avec une viralité qui était très technique, c'est-à-dire c'était d'une cassette à l'autre, d'un autoradio. Moi, je sais que mon parlait de moi, hein, mon père, c'était vraiment toutes les cassettes de Zouk tournaient comme ça dans sa Renault 18 Turbo. Et en fait, je me rends compte que comment ce bouche à oreille s'est fait? Comment les gens c'est disaient, la magie du bouche à oreille. Comment ça s'est fait, en fait? C'est la magie du bouche à oreille. Alors que les réseaux sociaux n'existaient pas encore à ce point-là, quoi. Il y avait très pas sincèrement, cette, je pense que RFI a été pour beaucoup dans la promotion de la musique africaine et de Kassav. Je pense que voilà, ils le diraient tous eux-mêmes, Kassav, mais parce que c'était le seul média qui faisait le pont entre Africains. Oui. Déjà, de Côte d'Ivoire au Sénégal, personne ne connaissait la musique l'un de l'autre. Donc, Kassav a fait partie de tout ce truc et Kassav est devenu le phénomène. Donc, ça a été les gens à suivre. Mais je pense parce qu'il y a heureusement certaines personnes comme nous et comme d'autres, heureusement, qui sont allées au-delà du côté zouk et en danse. Parce que on parlait des maisons de disques. Ils ont signé Kassav, mais ils auraient pu signer de la même façon la Compagnie Créole ou Francky Vincent. Oui, pour eux, c'était pas de distinction, quoi. Oui, pour eux, tiens, on n'a rien des gens. Mais d'ailleurs, même pour le grand public, des fois, il y a un affreux amalgame qui est fait entre la qualité d'un Kassav et qui vont dire, ah, bah, c'est comme la Compagnie Créole, j'aime bien. D'ailleurs, la Compagnie Créole, il faut pas oublier que la Compagnie Créole est un groupe français. Comme Bonnie M est un groupe allemand. C'est un groupe qui a été créé par Daniel Vanguard. La plupart des chansons de la Compagnie Créole pendant des années sont écrites par Vanguard et ses complices, qui sont tous des Français de France, qui aiment beaucoup les musiques tropicales, et il s'agit pas du tout de la même chose. Et quand vous parliez de viralité en ce qui concerne Kassav, il y a quelque chose d'extrêmement important pour cette musique, pour les Antillais, c'est que c'est leur musique. C'est-à-dire que c'est soudain une musique professionnelle, magnifique, riche, opulente, et en même temps, c'est de la musique de chez nous. C'est-à-dire que tout le monde des cours, c'est-à-dire des bidonvilles, des favelas, comme on dit, de Guadeloupe et Martinique, jusqu'aux professeurs de collège et de lycée et aux proviseurs qui découvrent que cette musique leur ressemble, raconte leur vie. Et ce qui se passe avec certains albums de Kassav, on parlait tout à l'heure de Zoukla, c'est un médicament nouni, quand l'album sort fin 1984, en novembre, je crois, c'est un album de Georges Décimus et Jacob Desvarieux, les gens rentrent dans les magasins un disque et disent « Banyon, donne-moi-en un ». On ne dit pas le nom de l'album et ça devient le mot de passe. Et c'est des moments, à l'époque, il y avait une bande FM assez artisanale, assez bordélique aux Antilles. On tournait sur l'autoradio le bouton de la FM. Non seulement on était sûr de tomber sur un titre de Kassav, mais on était sûr de tomber sur Zoukla. Et alors, la plupart des radios, même les stations publiques, passaient Zouk là deux fois par heure. Donc on est dans des niveaux de révolution culturelle pour ces pays qui ne tiennent pas uniquement à la musique, mais qui tiennent aux paroles, qui tiennent à l'orgueil, qui tiennent à la fierté de faire cette musique professionnelle, opulente, géniale, et aussi de raconter ce qu'est vraiment la vie des Antilles. Et alors la viralité de cette musique, elle s'est installée dans l'Hexagone, donc sur le plan national, justement, comme dit fort justement Bertrand, il y avait cet élan et cet amour profond et cette espèce d'enthousiasme délirant des Antilles vers les Antillais. Alors on se passait les cassettes, c'était le gros truc. Ouais, est-ce que t'as la dernière cassette et tout ça. Et puis on faisait écouter, et puis on partageait avec les amis qui sont de toutes les couleurs. Et ce qui est frappant dans les concerts de Cassav, qui remplit le Zénith ou qui remplit le Stade de France, c'est que le public et noir, blanc, beige, bleu marine, vert, rouge. Enfin, le public n'est pas qu'un public d'Antillais ou d'Africains, pas du tout. Il y a des endroits où c'est blanc de monde avec Cassav. Enfin, c'est vraiment et on a d'autant plus de mal à comprendre que les médias, ou alors on comprend trop bien que ni les médias, ni les festivals, ni tout ça n'est suivi, oui. Ils n'ont pas suivi parce qu'il s'agissait de suivre. C'était pas une création disons, médiatique, en fait, c'était quelque chose qui existait déjà. C'est quelque chose qui s'est mis à exister sans eux. Alors, rattraper le train en marche quand il est français, noir, ça n'a pas été possible. Il y a une forme, effectivement, d'ostracisme et de racisme qui se niche là-dedans, quand même. Moi, je comprends jusqu'à présent. Et de fainéantise aussi. Oui, puis de paresse intellectuelle, parce qu'il faut s'intéresser un tout petit peu aux Antilles pour comprendre ce qui s'est passé, comment le phénomène devient intéressant. Moi, je me suis retrouvée dans des émissions de radio où, pour faire une parenthèse, où la culture était tellement totale, je dirais pas qui, sur le plan national, et non, je dirais pas, et où on me pose la question, alors comment est-ce que c'est important dans Malavoie, qui est un groupe violent, les cuivres? Il n'y a pas de cuivre dans Malavoie, donc ça veut dire que le mec, il n'a même pas écouté. Donc j'ai compris comment ça se passait. Ça se passait parce qu'il y a un truc qui est à la mode. Allez, on écoute, mais on ne cherche même pas à savoir d'où ça vient. Comment. Alors que tout ça, c'est la musique raconte l'histoire des peuples. Donc c'est tellement intéressant. Qu'est-ce à lever de Jocelyne Berroir. Alors, on a vu ces dernières années l'explosion du dancehall venant des Antilles, et il y a même eu énormément de duos faits par Cassav avec Admiralty, Dali. On a vu dernièrement Kalash aussi arriver très très fort en métropole. Est-ce qu'on est en train d'assister à une sorte de mutation de la musique caribéenne? Ce qui est évident, c'est qu'il y a hégémonie après hégémonie. Et le dancehall d'aujourd'hui est pas du tout le dancehall des années 90. C'est un dancehall beaucoup plus ouvert et qui laisse la place à des artistes d'un peu toutes les cultures, à telle enseigne qu'aujourd'hui Rihanna, une des plus grandes stars américaines, qui n'est pas spécifiquement dancehall mais qui est quand même dans cette culture, c'est une barbadienne qui est une des plus grandes stars mondiales, et la Barbade c'est encore plus petit que les Antilles françaises. Il y a de toute évidence un après Cassav qui est très très très très compliqué pour les Antillais. Mais de même qu'il y a eu un après Edith Piaf qui était assez difficile pour les chanteuses françaises. Qui est toujours. Oui, de même qu'il y a une... La Gazelle, j'ai on ne donnera pas des noms. Il y a un après Georges Brassens qui est dur. Et c'est vrai qu'après Kassav, ça a été très difficile pour le show business entier. Ce qui est sûr, c'est que les cultures créoles sont sur le temps long des cultures de changement extrêmement constant. C'est-à-dire que une tradition enracinée musicalement pendant un siècle dans une culture créole, c'est quand même extrêmement rare. La nature des cultures créoles est d'évoluer en permanence. C'est un vélo. C'est-à-dire que les cultures créoles, si elles avancent pas, elles tombent, elles s'arrêtent. C'est comme ça que le tango est mort en Argentine. Le zouk n'est certainement pas en train de mourir. Il est en train de muer et de muer depuis le début. Parce que on parle de Kassav comme si c'était un bloc monolithique, une œuvre absolument. Mais même cohérente. À l'intérieur de Kassav. Mais dans Kassav et d'album en album de Kassav, il y a des évolutions, il y a des apports nouveaux, il y a des révolutions, il y a des. Alors évidemment, nous fans, on connaît tous les albums de Kassav et tous les titres, mais je pense qu'un Antillais qui a une écoute pas passionnée de Kassav, qui se contente d'écouter la radio, peut reconnaître très très facilement à 2-3 entrées de quand date un titre de Kassav, uniquement au son, uniquement à la couleur, uniquement à la texture. Et il faut pas oublier ça. C'est-à-dire que les cultures créoles sont des cultures qui évoluent, qui mutent en permanence. C'est leur singularité. Oui, c'est vrai que la notion de mouvement, c'est très important parce que nous sommes issus d'un métissage et tout est métissage. Mais il y a quelque chose qui reste quand même la base. C'est le gros cas. Le gros cas. Et ça, c'est toujours la rythmique, c'est un peu à partir de là que toutes nos musiques se font, mais on l'entend pas forcément, on voit pas très bien quel rapport il peut y avoir entre la musique de Malavoy et de Kassav par exemple, mais c'est faux parce qu'il y a cette base là qui est là. Et puis il y a la liberté totale de recevoir tous les apports du monde et de les transformer. Voilà, nous sommes dans une culture de transformation permanente avec des racines. C'est comme les arbres, ouvert à 360 degrés, une assimilation mais avec et une transformation. Racine, voilà, avec une racine très profonde. Et pour prendre une métaphore végétale, c'est vrai qu'il y a cette idée de racine. Et Édouard Glissant reprenait le concept de rhizome, c'est-à-dire que les Antillais portent avec eux de toute façon énormément de choses. Ils parlent une langue qui vient d'Europe, le français. Ils ont pour la plupart une peau qui vient d'Afrique. Ils vivent en Amérique. Ils consomment une cuisine qui est massivement asiatique parce que le curry et le riz qu'on consomme à tous les repas aux Antilles, ça vient quand même d'Asie. Donc les Antillais sont de toute façon carrefour eux-mêmes, un peu étrangers à eux-mêmes. Donc ils ont certainement beaucoup moins que dans d'autres cultures des difficultés à assumer des apports extérieurs. On parlait tout à l'heure des sources du zouk. Je pense qu'on n'est que ça d'ailleurs. On n'est que ça. On n'est que ça. On n'est que carrefour. On n'est que la synthèse. C'est pour ça qu'il y a chaque fois des musiques créoles et une musique française. Oui. Voilà. Il y a une musique française. Exact. C'est vrai. Mais il y a des musiques créoles. Oui, parce qu'il y a le créole d'Haïti, il y a toutes sortes de créoles. Mais ce qui est très important, c'est de savoir qu'on est tellement ouvert et tellement... avant que Kassav n'arrive et nous donne une identité musicale anti-française, chez moi, enfin, j'ai grandi en Martinique, dans chez moi, c'était la musique haïtienne, c'était la musique portoricaine, c'était le merengue, c'était la salsa. Donc, c'était que des musiques qui venaient d'ailleurs. Et on n'avait aucun problème. Moi, je revois mes parents, ça faisait partie de nos vies. Kassav est arrivé, nous a donné, puis Malavoy, mais c'était déjà une musique beaucoup plus guindée, on va dire. Enracinée dans la biguine de Saint-Pierre. Enracinée dans la biguine de Saint-Pierre. Donc, il y avait, quand Kassav est arrivé, qu'on a pu s'approprier, en se disant, mais oui, ça c'est bien c'est chez nous, c'est nous. Parce que Kassav a représenté. C'est ce que Kassav, tous les Antillais. Alors, dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, mais pour le moment, on écoute Fossa Paella, le duo d'Admiralty avec Kassav. Gardez gens s'appellent nous toute la race. Mettez le seigneur, tel, pas un tel, mais nous toute la race. Peu importe quel jour, peu importe la sorte, nous voilà français, y'a c'est l'esprit, j'en nous toute la feuille. I say yeah, yeah, yeah, oh yeah. Quand des gens nous avancent ensemble, pas d'avoir nous qu'à faire gagne, pas ni pas mot qui te prend pas. Yeah, yeah, yeah, oh yeah. Quand des gens nous avancent ensemble, pas d'avoir nous qu'à faire gagne, pas ni pièce mot qui te prend pas. A part de que tu m'as l'homme. On a quoi l'unisson, nous tous nous sommes pas un pays là. A part vous qui êtes moi non, à part moi qui brûle ça. On a quoi l'unisson, nous tous nous sommes pas un pays là. Faut ça pays là, faut ça pays là, faut ça pays là, faut ça pays là. Moi je vous fais ça pays là, faut ça pays là, nous tous nous sommes pas un pays là. C'est nous qui nous caler, mais dans la main nous qu'avancer. Montez la cartouche et donc nous peut pas caler, ça caler, bien. Quand nous allons, voisin, voisin, cousin, cousin, frère, ses amis, les fêtes des mains, y'a ça, des bouches de tête, à ça, t'as des beignets qui l'a laissé, mettons d'autres frères, des ordres, pour ça nous aimer ça, j'en dis c'est y'en a là, chalala, qu'à monter, laissez mes éclats, chaille, ça, quand nous allons, même pas qu'au cala, quand nous allons, mon belia, Haïti, qu'on va, cadence, c'est son cas, mais rien de celle, ça, est-ce que tout le monde là, quand nous allons, même pas qu'au cala, quand nous allons, mon belia, Haïti, qu'on va, cadence, c'est son cas, reggae, et soukla, crier. C'était Admiralty et Cassav. J'en profite pour vous dire que cette émission a été réalisée par Céline Hila. Jeanne Paravert et Sarah Masson l'ont préparée, aidée par Tom Malky, notre stagiaire. Et à la technique aujourd'hui, c'est Pauline Laverdure. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Patrice au téléphone. Bonjour Patrice. Salut Fred, bonjour à tous les invités du jour. on vous salue. Alors, vous connaissez le principe du jeu? Ouais. Je vous pose des questions, vous pouvez répondre en 20 secondes chrono, et si vous n'avez pas la réponse, pas de problème, vous pouvez faire appel à un joker, c'est-à-dire que vous demandez à un des invités ici présents de répondre à votre place. C'est bon? Ça marche. C'est parti. Première question. Quel est le titre de la chanson que Jocelyne Berroir a repris avec Philippe Laville en 1988? Ah, merde. C'est facile. Ah oui, c'est très simple. C'est dur. C'est pas une reprise. Hein. Ah mince. Vous pouvez répéter, Patrice? J'ai dit que les serrés. Et ben voilà, Et ben voilà, Patrice, il faut se faire confiance, c'est important. Deuxième question. Feu de l'huile. Combien de victoires de la musique a remporté le groupe Cassave? 3 victoires? 5 victoires? 1 victoire? Alors... 3, 5 ou 1? C'est chaud. J'aurais tendance à dire 5. Eh bien non, ça n'est pas ça. Est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Ah oui, la gazelle. La gazelle. Oh, carrément. Alors, la gazelle. Quel risque? Moi, je dirais 1. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah ouais. Voilà. Ben voilà. C'est la récompense pour, en 88, pour meilleur groupe. Dernière D'accord. question. Comment s'appelle le chanteur à l'origine de ce duo avec Cassave? On l'écoute. Alors, je monte au premier étage chez mes voisins créoles. Moi qui aime les voyages, enfin je décolle. Ah ah, mini Ogaïla, ça vous fait. Gardez soleil là, que réveillez la pluie. Nous sommes bien au fond de nous. La tête ou pitié, nous toute la pitié. Alors, Patrice? Non, non, non, c'est pas Philippe Laville. C'est un chanteur qui plaît aux plus jeunes aussi. On fait appel à un joker? Patrice, on fait appel à un joker? Aujourd'hui, je pars en On fait appel à un joker encore? Ah ouais, un joker, ouais. Alors, à qui cette fois-ci? Bertrand. Bertrand Dical. C'est Aldebert. Eh bien, c'est Aldebert, évidemment. Wow, évidemment. C'est tellement loin. Oh là là là là là là, Patrice, ben vous avez été sauvé par les deux jokers. Hein. Eh bien, vous avez gagné quand même un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. C'est tip top. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Ah, rapidement, allez-y. Bah, Elodie, ma compagne, et ma fille, Nora. Mais merci, merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, rapide tour de table, j'aimerais savoir si vous avez un conseil voilà, dans ces musiques antillaises d'un groupe qui pourrait se revendiquer être l'héritier de Cassave, ou peut-être même, tout simplement, Cassave, qui va peut-être sortir un nouvel album. Bertrand Dical? Oula, un conseil d'écoute. Je pense qu'il faut écouter massivement Cassave, et peut-être ne pas commencer par le best-of. Se dire tiens je vais écouter les albums en entier, peut-être même des choses un peu pas simples mais qu'on peut trouver dans les bacs de soldes par exemple en CD qui sont les lives de Cassave dans lesquels on comprend ce que c'est les lives scène, sont formidables quand il y avait ce gigantesque ambiançage des salles par Jean-Philippe Martelly et Patrick Saint-Éloi en duo pour l'ambiançage bien. Voilà très on bien peut faire ça. Marie Jodali, successeur de Cassave, je dirais que il y a que Cassave qui succède à Cassave. C'est pas la peine de chercher. Il faut faire comme Bertrand dit. Il faut aller chercher les vieux Cassave, les premiers qu'on connaît moins, qui sont pas forcément effectivement les compilations. Et puis retrouver cette âme qui est unique, ce truc unique. Alors pour écouter Cassave, il vaut mieux avoir un petit peu d'espace. Et écoutez debout, quoi. Il y a un moment où ça prend le corps. Moi, je dirais d'écouter un maximum Siwo, le premier album solo de Jocelyne, et le premier album de Pipo, de Jean-Philippe et Patrick. Mmh. Voilà. Très bien. Et tout ben ça, voilà. C'est Cassave. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Merci Marie-Josée Ali, La Gazelle. Merci Bertrand Dical. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Et il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Comme les gens sont quand même assez friands de ce qui vient de l'étranger, ils viennent voir. Et bon, si au premier morceau, ils sont quand même étonnés, au deuxième, ils commencent à bouger la tête ou le pied. Et au troisième, ils dansent comme tout le monde, quoi. Je veux dire, ça se passe toujours très bien parce que bon, c'est la bonne humeur, etc., etc. Et demain, sur la même antenne, on se retrouve pour une nouvelle émission de Blockbuster consacrée à la Bible de la science-fiction, le roman Dune de Frank Herbert et de ses multiples tentatives d'adaptation au cinéma.